t'es comme un père enfant, on se connaît pas, on sent tout ton avis. Y'en a qui me font mal à la tête, limite prime, si c'est pour me gratter un fil. Poto, j'ai taffé comme un chien, c'est normal que je souris quand je baisse la vitre. On a bossé pour en arriver là, c'est ce que je me dis quand je vois tous mes jeans. Très loin des bagarres, des terrains de zig. Je vais péter mignon, continue la zig. Reste à l'écart, tu peux devenir ma cible. Et sur ma mère qu'on rate jamais la cible. J'ai plus de gomme, cogne, mon pote, je voudrais une Kalashnikov. J'suis dans le top 50 France, que des grosses bastos dans l'alcool. Jamais refuser de tête à tête, demande à toute la tristesse. J'fais la guerre avant de faire la fête, j'suis jamais sans un verre en stress. Laissez-moi tout seul dans ma bulle, j'dirai pas SOS. Tant que j'entends encore le battement de mon cœur, ça veut dire RASS. J'te coupe pas si j'l'emballe en bas, cette nuit j'détaille tout. J'suis dans la ville, j'rentre tard ou pas, ou le matin j'étale tout. J'te coupe pas si j'l'emballe en bas, cette nuit j'détaille tout. J'suis dans la ville, j'rentre tard ou pas, ou le matin j'étale tout. Toute ma vie j'l'emballe, j'tourne la ville complètement rabat. Faut que je bombarde, c'est sur ta piste. J'ai vécu trop de choses au virage, j'peux pas dire que la rue m'a eu. J'reste vrai quoi qu'il m'arrive, très peu d'amis, beaucoup d'ennuis. Heureusement que j'baisse tous mes ennemis, ouais. Bref, les mecs qui chez lui tout part. Assumer oui, je vais pouvoir. J'suis au quartier, mais t'es où toi? J'suis au quartier, mais t'es où toi? Numéro uno du tournant, y'a que des fils depuis ton tournant. J'ai préféré faire le sourd, moi. Je préfère tracer ma route, moi. Jamais refuser le tête à tête, demande à toute la tristesse. J'fais la guerre avant de faire la fête. J'suis jamais sans un verre stress. Laissez-moi tout seul dans ma bulle, j'dirai pas SOS. Tant que j'entends encore le battement de mon cœur, ça veut dire RASS. J'découpe ma vie, j'l'emballe en bas. Cette nuit, j'détaille tout. J'suis dans la ville, j'rentre tard ou pas. Et le matin, j'étale tout. J'suis dans la ville ce soir, j'rentre pas. J'suis la nuit, mon pote, j'dors mal. J'ai pas fait ma vie, j'l'emballe. J'ai pesé mes problèmes au gramme. J'suis dans la ville ce soir, j'rentre pas. J'suis la nuit, mon pote, j'dors mal. Jamais refuser le tête à tête. Demande à toute la tristesse. J'fais la guerre avant de faire la.